Le tableau de maître par Pierre Baldagne. La vie chère, grognait Émile Chauffe en faisant les 100 pas dans sa magnifique galerie. Avouez qu'il y a des gens qui ne savent pas s'y prendre. Parbleu, vous, Chauffe, vous êtes riche. Évidemment, la vie chère ne vous touche pas beaucoup. Mais le vieil homme se redressa et piquant son interlocuteur d'un regard terrible. Je ne suis pas aussi riche qu'on dit, affirma-t-il menaçant. « Je suis comme tout le monde. La guerre m'a houspillé. »« Vous n'avez pas changé votre train. »« Si fait, mais on ne s'en aperçoit pas. »« Ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui sont maladroits. »« Ainsi, moi, je peux vous assurer que pour l'entretien de ma maison, par exemple, je ne donne pas un sou de plus à Madame Chauffe qu'avant la guerre. »« Madame Chauffe est une femme accomplie. »« Nous sommes d'accord. »« Elle a une sorte de génie de l'organisation domestique. »« Je ne sais pas comment elle s'y prend. » mais elle ne me dépense pas un sou de plus qu'en 1914. Donc, si elle y arrive, d'autres peuvent également y arriver. La vérité, c'était ceci. Émilie Chauffe offrait l'image de la plus absurde et horripilante avarice de la terre, et en outre, il terrorisait sa malheureuse femme. Maria Chauffe, sensiblement plus jeune que lui, et charmante, élevée dans des principes austères et convaincue que le devoir d'une femme était d'obéir à son époux et de lui rendre la vie plaisante, faisait le possible et l'impossible pour amener un sourire sur les lèvres pincées de son grigou de mari, et à force d'ingéniosité, elle y parvenait. Quand la guerre fut terminée, que tout ce qui s'achète eût triplé de prix, Maria Chauffe essaya bien d'amener son avare à lui donner tous les mois un peu plus d'argent. « Je n'ai pas plus d'argent, » lui répondit-il, « j'en ai moins. » « Tu es intelligente, tu t'en tireras. » Elle s'y était efforcée en toute bonne volonté. Cependant, Chauffe exigeait le même confort et la même table. En même temps, il avait épris de la maraude des tableaux de maître, et dans l'espoir de faire de bonnes spéculations, il était devenu un des meilleurs clients des marchands de tableaux. Bien entendu, il n'y connaissait rien, et la vue d'une belle œuvre le laissait insensible. Mais il tirait vanité de sa galerie et son air satisfait était impayable quand il promenait devant ses cadres, des amis aussi ignorants que lui-même, mais intéressés à lui prodiguer leur admiration. Par grand hasard, les marchands de tableaux n'avaient pas trop volé notre amateur. Ils lui avaient notamment vendu un admirable Courbet, un homme et deux femmes déjeunant dans une forêt, pour le prix très raisonnable de 25 000 francs. Chauffe était tout à fait insensible à la vigueur de cette belle œuvre, à la fraîcheur des arbres, à la composition originale du groupe. Il ne regardait que la signature. « Venez, » disait-il, « venez voir mon Courbet. » On s'extasiait, il était content. Ce déjeuner sur l'herbe avait aussitôt séduit Maria Chauffe. Elle n'était pas beaucoup plus compétente en peinture que son mari. Mais elle avait une sensibilité assez vive et n'était pas étrangère à la beauté. Cependant, et tout au fond de son cœur, elle se scandalisait que Chauffe ait eu le toupet d'acheter cette toile 25 000 francs, alors qu'il lui mesurait l'argent nécessaire à la maison et sous prétexte qu'elle était débrouillarde, lui assurait qu'elle saurait bien s'en tirer sans augmentation. « D'abord, disait-il, je n'ai fait là qu'une affaire. J'ai donné 25 000 francs, c'est vrai. Le marchand avait besoin d'argent. Aujourd'hui, mon tableau en vaut 40 000, et plus tard, il en vaudra davantage. Donc je m'enrichis, au lieu de me ruiner. » Ce chiffre de 40 000 francs dansait dans l'esprit de Madame Chauffe. Était-il possible que ses couleurs étalées sur une toile représentassent un pareil capital? Elle restait émerveillée. Cependant, le coût de la vie ne diminuait pas. Tous les mois, la pauvre femme faisait des prodiges. Puis elle dut s'avouer que les prodiges, ça ne peut jamais durer longtemps. Et elle résolut, toute tremblante, de faire une fois de plus l'assaut du coffre-fort de son mari. Il répondit avec hauteur. Son siège était fait. Du moment que Maria s'en était tirée jusqu'à présent, elle continuerait à s'en tirer. Il s'était buté. Madame Chauffe rentra dans sa chambre en proie aux pires appréhensions. Elle courait à la faillite et elle le savait. Déjà, elle faisait des dettes. Elle n'en dormait plus. Tout en ne dormant plus, elle réfléchissait, et à force de réfléchir... « Monsieur Elémir Fiston, c'est moi-même, madame. » Aucun doute, du reste, une carte de visite sale est clouée sur la porte. « C'est dans une misérable maison de Montparnasse, le misérable atelier d'un brave rapin sans faux col, hirsute et débonnaire. Monsieur, on m'a indiqué votre nom. Vous pourriez vous charger, m'a-t-on dit, de copier un tableau de Courbet que j'ai chez moi, un déjeuner sur l'herbe. Je le connais. Je peux le copier, madame, de telle façon que personne ne trouvera de différence. Il faudrait aller vite, profiter d'une absence de 8 jours de mon mari. Je vous demande 3 jours. Votre prix, 500 francs. 3 jours après, madame Chauffe, ayant remplacé dans la galerie le vrai Courbet par le faux, allait vendre la toile authentique et en retirait 30 000 francs. L'affaire de Chauffe s'avérait donc excellente, mais l'affaire de madame Chauffe s'avérait meilleure encore. Venez donc voir mon Courbet, disait avec orgueil Émile Chauffe, rentré de voyage, à ses connaissances. Et alors la pauvre femme se sentit apaisée. Tous les mois, pour boucher un trou, elle prenait un peu de ses 30 000 francs. Elle en prenait le moins possible. Cela durerait longtemps, longtemps, et la vie finirait peut-être par devenir moins chère. Quant à Émile Chauffe, il souriait à l'existence et faisait à tout le monde l'éloge de son épouse. Et cela dura, et cela dura. Or, un beau jour, Maria Chauffe, qui se privait de tout, eut envie à l'entrée de l'hiver de se payer un manteau de fourrure. Il coûtait 3 000 francs. Demander 3 000 francs à son mari pour un pareil caprice lui apparut une entreprise follement téméraire. Et elle en avait tellement envie de ce manteau de ragondin. Elle n'en dormait plus. Tout en ne dormant plus, elle réfléchissait et, à force de réfléchir... Mais ce Georges Moulu, c'est au 7e étage, d'une maison de Montmartre, une pièce toute nue, un vieux peintre couvre des toiles en série. Il retire la pipe qu'il est en train de fumer. « C'est moi-même, madame. Qu'y a-t-il pour votre service ?»« Monsieur, on m'a dit que vous pourriez me copier très vite. Je profite d'une absence de mon mari. Un tableau qui est chez moi. »« Je m'en charge, madame. On n'y verra que du feu. Je demande 2 jours. Votre prix, 300 francs. Est-ce trop ?» Le surlendemain, Maria Chauffe a remplacé dans la galerie le Courbet d'Elimir Fiston par le Courbet de Georges Moulu. « Ah, dame !» Ce dernier Courbet n'a plus grand-chose de commun avec l'original. Il s'éloigne même sensiblement de la première copie. Elle n'était pas mal, cette première copie, puisque l'ingénieuse madame Chauffe trouve le moyen de la vendre 5 000 francs à un marchand de la rive gauche. Émile Chauffe a invité 2 amis à déjeuner. « Venez donc voir mon Courbet. On va voir le Courbet et on s'extasie. » Et voilà Maria Chauffe qui, ayant quelques courses à faire, apparaît chapeautée, couverte de son fameux manteau de ragondin. « Tenez !» s'écrie Émile Chauffe en désignant sa femme à ses amis. « Admirez cette femme-là. Il n'y en a pas 2 comme elle dans tout Paris. Je ne lui donne, pour la maison, que le strict nécessaire. Je suis le premier à l'avouer. Eh bien, elle a trouvé tout de même le moyen de se payer ce manteau-là sur ses économies. Viens ici, Maria, que je t'embrasse. Tu l'as bien mérité. » Maria se laisse embrasser, toute rougissante. Mais dans son œil brille une petite flamme qu'il vaut mieux que son mari ne voie pas.